auditeurs de Radio Guémozo, j'espère que tu es en pleine forme en ce vendredi 10 mai avec ce beau soleil. Je te préviens tout de suite, moi c'est un petit peu mitigé, tu l'entendras peut-être au niveau de la voix, mais voilà, comme je ne te cache rien auditeur, tu sauras donc tout. Je suis Lia et je suis en direct avec toi depuis l'odeur du son, et qui dit odeur du son dit bien entendu et bien invité. Et j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Jérôme Robert, homme aux multiples casquettes, comme on le verra tout au long de cette émission. Et je vais t'aider à planter le décor, auditeur. Et ceux qui me connaissent sauront évidemment pourquoi j'ai eu envie de l'inviter aujourd'hui. Alors, médiateur et membre de l'association de la médiation humaniste, coach, enseignant en méditation des voyelles et engagé dans diverses actions humanitaires, il se dit aussi écologue, rien que ça. Bonjour Jérôme, comment ça va ? Bonjour Lia, merci de m'accueillir. Bonjour à tous les auditeurs. Ça va très bien, je suis très heureux de venir sur ton antenne parler de quelque chose qui me tient à cœur. Voilà, on va en parler tout de suite. Oui, on a beaucoup de choses à dire, je sais que tu veux parler plus de la médiation. On va vraiment essayer de se tourner vers ce sujet, mais moi je suis passionnée par ton profil. Voilà, je ne sais pas comment te dire autrement. Donc voilà, merci beaucoup d'être avec moi en tout cas dans les studios de Radio Guémozo, d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Mais pour commencer Jérôme, cette question dont personne n'y échappe, si tu devais te présenter avec tes mots à toi, ça donnerait quoi ? Je suis un petit bonhomme qui a essayé d'être meilleur, essayé de résoudre ses propres conflits dans sa famille, dans son couple, et qui, depuis une recherche de 20 ans, a envie de transmettre humblement ce qu'il a reçu et de pouvoir aider qui le souhaite à gérer, à apprendre à traiter ses propres conflits. Nous avons tous des conflits qui sont plus ou moins visibles, ostentatoires, exprimés, etc. Mais ma grande découverte, mais pour moi-même d'abord, c'est on ne sait pas traiter nos conflits. On cherche à les éviter, mais on ne sait pas les traiter. Voilà, tout simplement, tu me demandes de me présenter. Alors pourquoi on cherche à les éviter plutôt qu'à les traiter, à ton avis, ces conflits ? D'abord, on ne souhaite pas de conflits, on n'a pas envie, évidemment, c'est une évidence. Le problème est que c'est une constante, c'est inévitable, elle naît de divergences, de désaccords, la différence se rencontre et s'oppose au lieu de s'écouter, de voir la complémentarité éventuelle. Donc dans le conflit, face au conflit, on cherche à l'éviter, on fait l'autruche, on pense que le temps va résoudre le problème, ça va se passer. Ou alors, le réflexe dans le conflit, c'est évidemment le réflexe humain de notre ego, c'est l'autre. C'est l'autre, c'est de la faute de l'autre, c'est parce qu'il a fait ça, c'est parce qu'il a dit ça, c'est parce qu'il ne m'écoute pas. Le réflexe humain naturel, c'est de reprocher à l'autre la souffrance, le désagrément, le problème, le souci, l'inquiétude, etc. On a ce réflexe de reprocher à l'autre. Et bien sûr, comme on a ce réflexe de reprocher à l'autre, je vous donnerai des petits exemples tout à l'heure, ça ne fait que accentuer l'opposition, le conflit qui va de plus en plus se scléroser pour devenir, de plus en plus difficile à solutionner. Aujourd'hui, on a plus d'un couple sur deux aujourd'hui qui se sépare parce que justement, plus on est dans le domaine affectif, plus on est pris dans le monde émotionnel, plus c'est complexe et plus il y a de la souffrance, et plus il y a de la souffrance, plus on fait un reproche. Voilà, donc j'aimerais beaucoup, c'est ça mon vœu le plus cher pour peut-être la dernière partie de ma vie, alors professionnelle et au-delà, je ne souhaite pas prendre la retraite, c'est m'occuper d'aider les couples, les professionnels, les parents et les adolescents à gérer leurs conflits. Ok. Mais c'est toujours plus facile de regarder vers l'extérieur finalement que à l'intérieur de soi. Exactement. La constante. Alors maintenant, ça fait les sagesses le disent depuis des millénaires, mais aujourd'hui le monde de la psychanalyse, entre autres, le dit. On a quand même découvert beaucoup de choses. C'est que l'origine de tous les conflits, elle est en nous. Et oui. Ça, c'est difficile à entendre. Hein. Je comprends bien que quand on est dans l'épreuve du conflit, c'est difficile. La remise en question, c'est beaucoup plus facile de dire « Oui, mais mon mari, il n'a pas fait ci, ma femme n'a pas fait ça, mon patron, mon manager... » Et ce qui est intéressant, c'est que au départ, il y a en fait une recherche, nous avons tous une soif, nous sommes tous des assoiffés, des affamés de reconnaissance. Mmh. Nous cherchons dans toutes nos relations, qu'elles soient professionnelles, affectives, amoureuses, amicales, etc., nous recherchons tous une reconnaissance. Nous cherchons, alors dans le monde affectif, un amour de l'autre. D'accord ? Mais c'est bien parce qu'il y a un manque en nous-mêmes que nous faisons porter un certain poids à l'autre, je vais mettre des guillemets, en exigeant cette reconnaissance, en exigeant des signes de reconnaissance, d'amour, voilà. Et cette exigence, ça fait peser, je le disais là tout de suite, un poids sur l'autre, et ça teinte les relations, ça fausse les relations. Si vous allez chercher l'origine de pourquoi vous cherchez telle ou telle reconnaissance, alors bon, on pourrait aller plus loin, hein, ça se situe dans notre passé, l'origine, bien sûr. Mais même dans le cadre de médiation, les personnes, au bout d'un certain temps, arrivent à parler d'eux-mêmes et pas du problème factuel. L'issue d'une médiation, l'issue positive d'une médiation, elle passe par le fait que la personne rentre dans une certaine sincérité. Alors évidemment, au début, il faut que toute cette rancœur sorte, hein. Donc comme dans la tragédie grecque, voilà, la crise, c'est-à-dire il faut qu'on sorte les reproches. Donc souvent la médiation, c'est de haute voltige, c'est le ring de boxe. Ils veulent en découdre. Ils arrivent sur la table de médiation. Ils ont leur gun box. Ils n'ont aucune envie, c'est de lâcher leur Mais tu m'as fait ça, mais c'est trop dur. Voilà, ils ont envie d'exprimer ce qu'ils ont sur le cœur. Et petit à petit, on les accompagne à aller au-delà des faits extérieurs et à se livrer progressivement. Et progressivement, chaque partie s'écoute, progressivement s'écoute. Et ils sont finalement progressivement touchés par la sincérité de l'un et l'autre. Et la sincérité de l'un invite la sincérité de l'autre. En médiation, on ne fait pas de la conciliation, on ne va pas chercher de solution. On est des facilitateurs, des humbles petits traits d'union pour aider à renouer ce dialogue. Et faut le dire quand même, on a d'excellents résultats. Statistiquement, 3/4 des médiations aboutissent à un accord quand même. Ah oui. Donc plutôt que de divorcer... Alors, bon, après, des fois, il y a des situations, la séparation contractuelle du contrat de travail, du contrat de mariage, peu importe, est inévitable. Oui. Il y a des fois, c'est aller trop loin, c'est inévitable. Mais il y a des fois, on peut encore tenter et on arrive à des retournement de situation assez magnifique, j'oserais dire miraculeux. Et les personnes qui arrivent en médiation, elles n'ont pas envie de la paix, ce n'est pas vrai. Elles ont envie d'exprimer leur souffrance, oui, que je vous disais tout à l'heure. Mais ce qui est magnifique, c'est qu'à la fin, quand on arrive à un accord, les personnes sont surprises, alors de l'issue, mais elles sont surprises par elles-mêmes, en fait. Elles sont surprises parce qu'elles se découvrent dans une meilleure nature d'elles-mêmes. Ah oui, j'ai pu être plus compatissant, j'ai pu accueillir moi, être plus sincère. Elles ont un bon goût d'elles-mêmes. Elles sont surprises de cette expérience d'un certain meilleur d'elles-mêmes. Elles en témoignent souvent en disant « J'y croyais pas en vérité avant, j'y croyais pas du tout ». Mais c'est vrai, 99% des gens qui arrivent en médiation, ils n'y croient pas. Mmh. Ils y vont parce que on leur a conseillé, ils veulent tenter quand même quelque chose, ils ont envie, comme je disais tout à l'heure, d'exprimer leur souffrance, ou leur avocat, ou alors quand c'est en médiation judiciaire, le juge, ça c'est très bien aujourd'hui parce que ça a le vent en poupe, par le ministère qui pousse à ces médiations. Donc ça peut être ordonné par le juge, dans le cas d'une médiation judiciaire. Voilà. Ok. On a bien pris le sujet à bras le corps. Je suis passionné. Ça se voit. On va tout de suite se lancer dans mon premier disque chouchou avant d'en savoir encore plus sur toi et sur la médiation et toute autre chose qui t'accompagne d'ailleurs. On commence avec donc ce premier disque chouchou chiné ce week-end exprès pour cette émission d'aujourd'hui, enfin cette semaine. Je suis perdue moi avec les jours fériés. Je me crois lundi là. What Do You Need de Hayley Knox, c'est tout de suite sur Radio Guémozo. What Do You Need sur Radio Guémozo. On est toujours ensemble avec mon invité d'aujourd'hui, Jérôme Robert. Ça va toujours, Jérôme ? Très bien, très bien. Bien sûr, on parle d'un sujet qui est éminemment d'actualité. C'est vrai, c'est vrai. On va le voir aussi tout au long de ces missions, pourquoi il est autant d'actualité. Alors, un petit peu pour replanter le décor, nous nous sommes rencontrés lors d'une formation que tu as animée. Encore une fois, ceux qui me connaissent ne seront pas étonnés de savoir que je suis bien entendu arrivée en retard dès le premier jour de formation. Hein ? Est-ce que ça veut dire quelque chose comme ça ? Je vais poser la question après avoir continué sur ce petit paragraphe, mais blague à part, j'ai vraiment apprécié la façon dont tu animais les choses, car j'ai eu l'impression que tu cernais les gens à qui tu t'adressais dans leur individualité, ce qui peut faire tomber certaines barrières. Donc voilà, j'ai l'impression que tu cernes un petit peu le profil de ceux qui sont en face de toi assez facilement, avec des clés certainement que tu as apprises. Est-ce que la personne qui arrive en retard dès le premier jour de formation comme moi, ça peut révéler quelque chose? Je me rappelais plus que tu étais arrivé en retard, mais tu fais bien de me le dire. D'ailleurs, je suis pas sûr qu'on ait réglé tout ça. pour répondre à ta question, est-ce que ça signifie quelque chose? Oui, oui, bien sûr. Mais ça peut signifier plein de choses. Peut-être on a peur du rendez-vous et qu'on le redoute et que on voilà. Mais bon, on va pas rentrer dans l'interprétation psychologique. Ça n'a pas grand intérêt. Je crois que c'est important ce que tu as introduit tout à l'heure là. C'est alors tu dis que je cerne les gens. Je pense que alors j'ai pas de dons. Simplement 20 ans de travail d'introspection, de méditation, de recherche de ben voilà ce que par rapport au conflit dans tous mes conflits chercher ma responsabilité dans le conflit, pas ma culpabilité mais ma responsabilité. Bref, tout ce travail intérieur fait que oui, ben autant on s'est vu dedans, autant on sent mieux les êtres. Oui. Pas sur obligatoirement sur ce qu'ils disent mais sur ce qu'ils sont, voilà. C'est pas un don, c'est un travail, c'est comme toute expertise, il faut s'y consacrer, mais je crois que la connaissance intérieure est passionnante. C'est la chose, je crois, la plus passionnante qui soit. Voilà. Alors, depuis 2016, tu enseignes dans le domaine du management, de la motivation, du travail collaboratif, du bien-être personnel et professionnel. Mais comment a commencé ton parcours de vie, toi, Jérôme ? Est-ce que tu étais tout de suite voué à tout ça, finalement ? Non, c'est ni un business plan, c'est ni issu d'une réflexion. C'est énorme. J'ai travaillé dans l'industrie. Allez, on va rentrer hein, parce que elle me pousse. Hein, je dis on parle de la maison, elle me dit non, j'ai envie qu'on parle de ton parcours. Alors, elle me pousse. Donc je suis coincé, messieurs, dames, les auditeurs, je suis coincé. Mon parcours, j'étais pas très bon à l'école. Mmh. Je me sentais pas très adapté à ce fonctionnement, à ce cursus. Bref, je me suis retrouvé dans des métiers techniques, dans l'industrie. J'ai travaillé dans l'industrie. Et encore une fois, c'est des événements, je dirais, douloureux, difficultés relationnelles avec mes parents. À la limite du divorce avec mon épouse, des soucis avec ma fille, des souffrances de papa que j'arrivais pas à résoudre, bref, des problèmes de vie qu'on rencontre tous, qui m'ont amené à chercher des réponses, comme je le disais tout à l'heure, un peu dans ce travail, voilà, pas un peu, totalement dans ce travail d'introspection, et qui a progressivement fait que je suis... J'ai découvert que j'avais beaucoup de colère en moi, en fait, contre moi-même, contre les autres, contre l'injustice. On a mille raisons de s'insurger, de se lever, l'injustice du monde, l'injustice de tout ici. On a mille raisons de s'insurger. Et je découvre que je suis extrêmement en colère, j'ai beaucoup de colère en moi, j'ai beaucoup de difficultés relationnelles, etc., etc. Et progressivement, ce chemin de connaissance fait que je crois m'être pacifié profondément. Mais voilà, c'est un chemin, c'est un parcours, c'est une montagne que nous pouvons gravir chacun de nous. Nous avons un sommet à conquérir, je pense. Nous pouvons être plus... Alors, paradoxalement, nous sommes dans un monde qui nous pousse à être parfait, parfait, parfait. Nous avons une grosse pression que nous nous imposons nous-mêmes, mais voilà, cette recherche de perfection. Et je crois, en tout cas, c'est le grand mystère que j'ai découvert, c'est que... ça, c'est issu des enseignements que j'ai reçus, parce que ce dont je vous parle, on me l'a transmis. Cette richesse de cet enseignement, on me l'a transmis. C'est que la nouvelle perfection, c'est l'imperfection heureuse, comme le disait Gita Malash. Et ça, c'est paradoxal. On veut être parfait, alors il faudrait cacher ses faiblesses, ses imperfections. Voilà, vous savez, les trucs qu'on pointe du doigt en famille. « Ah, mais toi, t'es comme ci, t'es comme ça. » On voudrait le changer. Eh bien, peut-être que cette quête, cette montagne à gravir, ce sommet, cet Everest pour chacun de nous, fait de petits pas en petits pas. Je fais beaucoup de montagnes et j'aime beaucoup la montagne et l'analogie avec la montagne nous parle vraiment. Elle est fidèle. De petits pas en petits pas, on avance vers un meilleur de soi. Oui. Et le meilleur de soi passe par l'apaisement de toutes nos relations. Au final, est-ce que tu te sers de ça dans la médiation ? Parce que je suppose que chacun d'entre nous a ce feu de colère qui brûle Si on n'a pas résolu encore nos propres conflits intérieurs, si on arrive à être là en médiation avec toi, par exemple, face à quelqu'un, c'est que sûrement on n'a pas encore apaisé et compris ce conflit en nous. C'est une question rhétorique, mais est-ce que ça te sert, cette vision des choses que toi-même tu as rencontrées? Pas seulement la théorie, mais vraiment cette pratique des choses. Non seulement ça me sert, mais je crois que on est légitime parce que nous sommes passés par cette même expérience. Peut-être, c'est pas à moi de le dire, hein, mais les retours que j'ai, peut-être cette légitimité vient du fait que j'ai moi-même traité, apaisé mes propres... J'ai vécu 40 ans à côté de mon pauvre papa, sans un geste affectif, mais ni de lui ni de moi, sans que je puisse apprendre quelque chose de lui. Voilà, une distance gigantesque. Ce travail de connaissance de moi m'a fait rencontrer un petit garçon et un pauvre petit papa qui, pour lui comme pour moi, l'autre homme est un danger. Je n'en avais absolument pas conscience. C'était totalement enfoui dans mon subconscient et dans le sien. Et je suis arrivé à un état de pardon, de compassion, les chrétiens disent de miséricorde, qui fait que progressivement et heureusement, avant qu'il quitte cette terre, on a pu se rapprocher, j'ai pu lui dire que je l'aimais, que j'ai jamais dit pendant 40 ans, c'était aimer lui non plus. Mais je pourrais me culpabiliser d'avoir été un mauvais fils au lieu d'être un mauvais père. Donc ce chemin de connaissance de soi, c'est pas, quand je parlais de responsabilité tout à l'heure, trouver sa responsabilité, c'est pas sa culpabilité. Oui. C'est trouver l'origine profonde de nos souffrances dans ce subconscient. Nous sommes, si vous voulez, si je donne une image, nous sommes un peu des marionnettes, hein, le conte de Pinocchio, il est une marionnette, nous sommes une marionnette. Les ficelles qui sont tirées, c'est les ficelles de notre passé. Nous reproduisons des choses que nous voudrions pas, d'ailleurs, subconsciemment. Le travail sur soi permet de rendre conscient, et au lieu d'être une marionnette, on devient maître de son existence. Avant, on subit des choses subconsciemment. Ok, merci beaucoup pour toutes ces explications. Alors, nombreux sont ceux qui ont envie d'accéder à leur moi intérieur pour enfin se réaliser, mais le terme n'est pas vraiment le bon. Se rencontrer déjà, s'aimer et se comprendre, c'est déjà beaucoup, mais n'ont pas les clés. Est-ce que tu dirais que cette exploration est ouverte à tous ? Je m'interroge quand je vois l'évolution de la société. Aujourd'hui, le moindre petit désaccord ça démarre souvent d'une petite chose. Je donnerai un exemple tout à l'heure. Et puis, c'est crescendo parce que c'est réponse œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion. Et on observe, c'est pour ça que le ministère pousse à la médiation, c'est parce que nos tribunaux sont saturés, nos prisons sont saturées, parce que pour le moindre petit problème, aujourd'hui, on va facilement au judiciaire, quoi. Avant, même si ça allait au conflit, on allait peut-être dans une joute verbale avec notre voisin pour tel ou tel problème. Aujourd'hui, on va vite au judiciaire. Voilà. Décuplé par les réseaux sociaux, qui quand même, dans les réseaux sociaux, il y a tout. Il y a le meilleur, mais il y a aussi le pire. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on revient un peu sur le tribunal de la place publique où on connaît rien de l'affaire. Il y a même plus la présomption d'innocence. Il y a même plus la compréhension qu'en fait, dans tout conflit, il y a une responsabilité partagée. Mais oui. Faut être clair. Moi, je n'ai jamais rencontré, dans toutes ces années de pratique, la gentille colombe et l'horrible bourreau qui est la cause de tous les problèmes. Je ne l'ai jamais rencontré. Peut-être que ça arrive. Moi, personnellement, hein, puisque je n'assène pas une vérité, je vous parle d'une expérience, mais personnellement, je n'ai jamais rencontré une situation où il y avait 100% d'un côté et 0% de l'autre. Dans toutes les situations, il y a une responsabilité partagée. Et oui, c'est ce qu'on appelle aussi aussi être acteur de sa vie. C'est-à-dire que si on fait tout reposer sur le voisin ou celui qui est en face de nous, finalement, on n'est que spectateur. Voilà. Tout à fait. Et quand je disais tout à l'heure, le bon goût que les personnes ont, soit en médiation ou quand ils font un travail sur eux-mêmes, c'est le fait de se retrouver responsable de sa vie. Et plus c'est l'autre, je suis victime, il est bourreau. Et on a même des manifestations, je dirais même physiques, parce que ça nous redresse la nuque. On devient acteur, on ne subit plus. En même temps, c'est une responsabilité, mais en même temps, c'est une liberté de pouvoir agir. Parce que si j'ai fait ce cheminement de m'apaiser, je peux poser des actes libre et conscient qui me font goûter un meilleur de moi. Et oui. Bien sûr que c'est un dépassement. C'est pour ça que je reviens sur cette analogie de la montagne. Ça demande de s'y consacrer, ça demande pas après pas, mais on a notre sommet du meilleur de nous-mêmes. Et je crois que c'est une quête, en tout cas en ce qui me concerne, c'est une quête sans fin, parce que ça rend la vie meilleure, ça bonifie tout autour de nous. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez les médias mainstream, je les critique pas, hein, c'est pas ça, hein, ou les réseaux sociaux, si on filtre pas un peu, mais on a quand même un tableau plutôt extrêmement anxiogène. Et qu'est-ce qu'on voit ? Des conflits. Des conflits internationaux, géopolitiques, des conflits entre personnes, des conflits dans le couple, des conflits entre les professionnels. On ne voit que, si vous regardez, il n'y a que des conflits. Parce que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, nous ne savons pas traiter ces conflits. C'est quelque chose que nous avons à apprendre, chacun individuellement. Oui, tout à fait. Je pense que la perche est parfaite pour ce prochain son que tu nous as préparé. Ce nommant, il faudra leur dire, de Francis Cabrel. Hein, je pense qu'il arrive à pas nommer. Pourquoi avoir choisi ce titre ? Ben parce que il faudra leur dire, c'est le cheminement de toute résolution de conflit. Dire, non pas le reproche. Dire sa souffrance, dire, peut-être je donne l'exemple après la musique ou avant, je sais pas. Après. Allez, après. Ben, alors, à tout de suite. Respire. Si c'est vrai qu'il y a des gens qui s'aiment, si les enfants sont tous les mêmes, alors il faudra leur dire les mots qu'on reçoit, c'est comme des parfums qu'on respire. Il faudra leur dire. Francis Cabrel, il faudra leur dire, c'était maintenant sur Radio Guémozo. Alors, ce petit exemple. Il me revient des souvenirs, là, en écoutant cette chanson. En médiation, le jeu, c'est de se dire. Oui. Hein, de se dire, on apprend ça dans la communication non violente, c'est-à-dire que j'étais tout à l'heure sur la notion de reproche. On passe du reproche, parce que dans le reproche, on exprime sa souffrance. Et progressivement, on va passer du reproche à la confidence. Le reproche éloigne, puisque comment vous recevez un reproche ? Vous vous mettez de façon réflexe sur la défensive. Donc vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas, vous voulez immédiatement répondre, répliquer, rétorquer un autre reproche pour vous défendre. Vous êtes en mécanisme de survie, de défensif, tout à fait compréhensible. Donc vous avez ce jeu crescendo de reproches. Et dans cette chanson, il faudra leur dire, se dire, c'est dire ce qui, dans la situation, nous a fait souffrir, dire ses attentes, ses besoins, ses valeurs. Voilà, c'est se dire. Dans la médiation, il y a quand même à la fin, il y a un certain niveau de confidence plus ou moins avancé. Et la médiation, elle peut aboutir à un simple accord qui évite la guerre du judiciaire, mais elle peut aussi, dans certains cas, aller plus loin avec un vrai apaisement de la situation. Les gens arrivent, dans de nombreux cas, à faire la paix. Et donc, les mots qu'on reçoit, c'est comme des parfums qu'on respire. Voilà, cette nature de mots, de confidence, ça a un autre parfum qui est un trait d'union, qui relie les êtres. C'est un mécanisme psychique clairement identifié, compréhensible, et que pour passer du reproche à la confidence, les êtres ont besoin d'être accompagnés. Oui, d'un espace sécure aussi. Oui, oh. Oui. Et alors c'est très important ce que tu abordes là. Dans une salle de médiation, il y a une règle. D'expérience qui n'a jamais été n'ont pas passé outre quoi, c'est le secret de ce qui se dit dans la salle, c'est-à-dire tout ce qui se dit dans cette salle de médiation ne sort pas. D'ailleurs dans le cadre de médiation judiciaire, le juge, tout ce qui est dit, écrit dans la médiation, n'est pas porté à la connaissance du juge. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Le juge, il n'a qu'une réponse. La médiation a abouti à un accord ou n'a pas abouti à un accord. Point à la ligne. C'est protégé. D'accord. Voilà, tout ça pour dire que effectivement, les gens ont besoin d'un espace sécurisé où ils peuvent tout dire, où ils peuvent se dire, sans risque que ça entache leur réputation, etc., etc., ou même que ça entache leur mécanisme de défense avec leur avocat dans le cadre d'une procédure judiciaire. Mais on parle de médiation judiciaire, mais il y a, avant ça, la médiation conventionnelle et aussi la médiation de prévention dans le cas de gros bouleversements, par exemple dans le cas de projets d'entreprise, on sent qu'il va y avoir des tensions, que ça potentiellement peut amener au conflit, et bien on va anticiper et réunir les parties pour faire de la médiation de prévention. C'est super ça. Alors en 2022, tu fondes le collectif Unisson qui accompagne la prévention et la gestion des conflits et pratique la médiation. À quel moment tu as rencontré cette pratique de la médiation et tu as décidé de devenir médiateur? Comment ça s'est fait pour toi? Alors, la médiation, il y a eu trois étapes. La première, c'est ce que j'ai un peu évoqué tout à l'heure, la médiation de moi-même. Oui. C'est de la médiation, chercher à apaiser ses conflits. La deuxième étape, ça a été la médiation dans le cadre associatif, sans être diplômé. Oui. J'ai conduit sans le permis. Mais voilà, ça s'est fait. On est venu. Voilà, c'est la vie qui est venue me chercher, me tendre la main. Oui. Parce qu'encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, j'avais pas du tout de projet d'en faire une profession. Enfin voilà, d'en faire mon activité principale. Et puis la troisième, c'est le passage à l'IFOMEN, l'Institut de formation en médiation et de négociation à l'Institut catholique de Paris, pour quand même avoir le permis, quand même. On va faire ça un peu en ordre. De toute façon, permis obligatoire quand on fait de la médiation judiciaire. Voilà. Oui. Et devant l'évidence de Jérôme, c'est ça que tu as à faire dans ta vie, c'est plutôt ce genre de réponse inspirée qui m'est venue. J'ai mis ce permis de conduire de la médiation dans mon portefeuille. Mais c'est génial. Bravo. Alors, tu viens de t'installer comme médiateur dans le nouvel espace L'Accordé aménagé rue Côte Cabiche à Épinal. Donc, c'était il y a peu. Oui. Donc là, ça y est, c'est ton activité principale. Exact. Ok, super. Donc, comment ça se passe, la médiation, concrètement? Tu nous as déjà donné quelques petits exemples, mais voilà, si on devait reprendre depuis le début, comment ça se déroule? Alors, les parties, donc souvent, ça vient d'une des parties qui souhaite tenter la médiation. C'est une tentative, hein, on est bien d'accord. Il y a des entretiens individuels. Moi, j'ai des entretiens avec chacune des parties. Donc, qu'on soit en médiation conventionnelle ou en médiation judiciaire, la médiation judiciaire, simplement, c'est que ça se fait avec les avocats, ça se fait par ordonnance du juge. Donc, on a des entretiens individuels. Ensuite, on a des réunions de l'ensemble des parties, d'accord. En général, alors, ça dépend du type de conflit, ça dépend de l'ampleur du conflit. Hein, ça va durer plus ou moins longtemps. Il est évident que entre des années et des années de procédure judiciaire et quelques semaines ou quelques mois de médiation, l'intérêt de la médiation, le temps, l'argent, le stress et surtout la possibilité que les gens décident en toute responsabilité, ce qu'on a un peu évoqué tout à l'heure, au lieu que ça soit un juge qui tranche selon le droit. Oui. Faut quand même être clair que y a trois possibilités de traiter un conflit. La force, la loi du talion, tu m'as blessé, t'as envoyé un post violent sur Facebook, je vais te renvoyer un post violent sur Facebook. On est dans la notion de la force, de l'expression du conflit dans la violence. La deuxième, c'est le traitement du conflit. Nous sommes égaux devant le droit, n'arrivons pas à nous mettre d'accord, nous allons par le juge trancher cette affaire. Le juge va décider. Mais dans cette deuxième modalité de résolution du conflit, il y a un vainqueur, un vaincu, un écrasé, un écraseur, voilà. Et souvent, enfin, il est assez rare, je ne critique pas du tout les décisions de justice, heureusement, c'était un progrès dans notre société, le droit, que ça soit bien clair nous ne sommes pas, souvent une décision de justice n'est pas équitable. Souvent, même après une décision de justice, en fait, le conflit continue. Oui. on s'aperçoit que le conflit continue, nous pourrit la vie, nous pourrit l'existence. Bien, on souffre tellement, on a envie de faire du mal à l'autre par des mots, des gestes, des actes, des machins, mais ça nous pourrit l'existence. Et puis il y a la troisième, celle qu'on évoque, et merci de ton invitation, aujourd'hui, c'est la médiation. La médiation, c'est la possibilité d'être mis en homme responsable pour décider ensemble d'une sortie par le haut, depuis la compréhension réciproque, depuis la compassion réciproque, de notre co-responsabilité de l'origine du conflit et de notre co-responsabilité de la sortie du conflit jusque dans le concret. C'est-à-dire que à la fin d'une médiation, alors au début on va signer une convention de médiation qui définit le cadre, et à la fin on va sortir les parties vont écrire un protocole d'accord, voilà, qui entérine concrètement les modalités très précises de l'accord. Voilà. C'est ça qui est important de comprendre, c'est que, puisque ta question c'était comment ça se passe, voilà, on débute par une convention de médiation, on a des réunions individuelles, réunions collectives avec toujours des apartés possibles avec leur avocat si c'est dans le cadre d'une procédure judiciaire, et puis ça va aboutir à un protocole d'accord. Très important, une médiation, nous sommes libres de l'entreprendre, nous sommes libres de la démarrer, nous sommes aussi libres, ça c'est très important que les gens l'entendent, ça, ils sont pas coincés. Ils sont libres de l'arrêter à tout moment. Mmh. Ils peuvent à tout moment, sans se justifier du tout, dire stop, j'arrête, nous arrêtons là, moi, voilà. C'est la responsabilité, ça, encore une fois. Exactement. Combien de temps ça met en général ? Est-ce qu'il y a une généralité, d'ailleurs, là-dessus ? Plus on prend le conflit à la source, plus ça va être facile et de le résoudre. Donc, entre une médiation de prévention, une médiation conventionnelle et une médiation judiciaire, la procédure judiciaire a déjà commencé, qu'il y a déjà eu des échanges entre les avocats, les parties, la défense, enfin... mais voilà, pour donner un ordre d'idée, des médiations relativement simples en 2-3 réunions, il arrive qu'on aboutisse à un accord, ouais. Et puis ça peut durer de quelques semaines à quelques mois. Oui, le temps dont on a besoin finalement. Voilà. Tout à fait. Pour donner un ordre d'idée. Alors tu nous en parles, hein, domaine judiciaire. Est-ce qu'il y a donc domaine professionnel aussi? Où est-ce que tu agis? Sur quelle sphère tu agis? Autre, le couple? Alors oui, le couple qui me tient particulièrement à cœur de ma propre expérience, voilà. Et parents adolescents, oui, qu'on rencontre beaucoup maintenant. Hein, les parents s'en sortent pas, ils tombent dans une incompréhension avec la souffrance de l'adolescent, où la médiation peut jouer un vrai rôle. La médiation, alors on voit des médiations nouvelles qui arrivent, la médiation environnementale, oui, entre des protecteurs et puis la nécessité d'exploiter les ressources, donc des tensions nouvelles et complexes qui se créent, qui vont pas aller à s'arrangeant, parce que la tension sur les ressources, la nécessité de protéger, comment on concilie ces deux facteurs, voilà. La médiation salariée, entreprise, la médiation familiale, j'en ai parlé, voilà, enfin c'est vaste, le champ d'application est vaste. Oui. Elle peut se pratiquer sur tous les types de conflits. Mais oui, finalement. De toute forme, de toute nature, dans tous les cadres qu'on vient de citer. Alors, on va se lancer tout de suite dans notre prochain disque chouchou. C'est toi qui nous l'as encore une fois proposé, Samba Sarava. Oui. On a le droit de danser. Bien sûr, on a le droit de danser. On se retrouve tout de suite pour la dernière partie de cette émission. C'est parti, quand même passé à toute vitesse, hein, cette histoire. Effectivement. Il faudra que tu reviennes. Voilà. Thank you. sais plus ou moins ce qu'on cherche. J'aimerais rechanter et je n'empêche pas les gens qui sont bien d'être joyeux. Pourtant, s'il est une samba, son tristesse est un vin qui ne donne pas l'ivresse. Un vin qui ne donne pas l'ivresse. Non, ce n'est pas la samba que je veux. Chanson incommo, d'autres pour qui ce n'est rien qu'une mode, d'autres qui en profitent sans l'aimer. Moi je l'aime et j'ai parcouru le monde en cherchant ses racines vagabondes. Aujourd'hui pour trouver les plus profondes, c'est la samba chanson qu'il faut chanter. De danse et de douleur. Mais quel que soit le sentiment qu'elle exprime, elle est blanche de formes et de rimes. Blanche de formes et de rimes, elle est nègre, bien nègre dans son un petit peu la fin de cette musique, car j'ai quand même envie qu'on termine l'émission ensemble. Ah non, il n'est pas d'accord, Jérôme. Bah, je peux la remettre, hein, si bah, non, mais bah, disons que ça prend le corps, cette musique-là. Je vais la laisser en fond pour terminer. On est toujours donc avec toi sur ce sujet passionnant qui est la médiation. Alors, on pourra en faire des heures d'émission quand même. Hein. Oula. Alors, tu me disais en off qu'il y a quand même quelques petites règles déontologiques à respecter dans ce cadre pour que tout se passe bien, finalement. Oui, c'est important que tes auditeurs l'entendent. C'est cadré. C'est cadré par le Code national de déontologie des médiateurs. D'abord, il y a la neutralité. Eh oui. Le médiateur n'a pas à donner d'avis. Il n'a pas à proposer de solution, absolument pas. Il est un facilitateur du dialogue, point. C'est un travail d'humilité parce que soyons tout à fait clairs, nous sommes tentés tout le temps. Tout au long du processus de médiation, mais quand même, il exagère. Dedans, nous ne sommes pas neutres. Oui. Nous perdons la neutralité. Et ben, cette formation et ce travail de médiateur, c'est aller rechercher en permanence cette neutralité. Si vous perdez la neutralité, c'est comme si vous mettez de l'huile sur le feu du conflit, quoi. Oui, oui. Parce que les gens, même si elle n'est pas exprimée, ils vont le sentir dans votre timbre de voix, dans vos regards. Non, vous avez à être neutre. Alors des fois, c'est pas évident parce que d'extérieur, on a l'impression, ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a une victime et il y a un bourreau. Oui, mais ça, c'est peut-être que l'apparence des choses. Voilà, donc le principe déontologique de la neutralité. Le deuxième principe, c'est l'impartialité. Issu de cette neutralité d'ailleurs, hein, il prend pas parti ni pour l'un ni pour l'autre, mais il est, comme j'ai dit, il favorise la sortie de cette logique binaire de qui a tort, qui a raison. On rentre pas du tout là-dedans. Non, je l'ai dit tout à l'heure, que chacun puisse s'exprimer et se confier, c'est ça qu'on va essayer d'aider à faire. L'indépendance, évidemment, aucun lien d'intérêt. Si on a le moindre lien intérêt, on décline la médiation et on va la proposer à un confrère. Ah oui. Ah oui, ça c'est fondamental. Si vous avez le moindre lien d'intérêt ou affectif ou quoi que ce soit, comment forcément pris à partie. Vous remerciez et vous envoyez chez un confrère. La confidentialité, on en a parlé tout à l'heure. Je ne vais pas redire, mais c'est une règle d'or. Et puis on en a aussi parlé tout à l'heure, la liberté de chaque partie. La liberté, un, de s'engager dans le processus de médiation et la liberté, à tout moment, de l'interrompre. Est-ce que tu fais un petit peu comme moi? Est-ce que tu vas chercher les gens? Tu les sors de leur zone de confort un petit peu? Alors, je les sors. Je les invite. Je peux leur montrer une direction. Surtout, je fais miroir, en fait. Oui. Le médiateur, c'est un miroir dans le sens où il va renvoyer à l'autre ce reflet pour l'aider à avancer dans la conscience de lui-même, du conflit, et voilà, le conduire progressivement. Je vais reprendre cette analogie de la montagne. Le guide de haute montagne, il vous prend pas les pieds, il vous prend pas votre sac à dos, il vous tracte pas, il vous guide, il va peut-être vous aider au rythme juste. Tu peux pas, si tu marches trop vite, tu vas t'essouffler, tu vas saturer en oxygène, machin. Si tu vas pas assez vite, eh ben t'es en danger aussi. La montagne, présente ses dangers. Il guide. J'aime bien cette analogie, encore de la montagne et du guide. Voilà, le médiateur, c'est un guide. Il ne décide pas, il ne donne pas son avis, mais il aide sur ce sentier. Escarpé pour gravir notre propre sommet, quoi. Oui. Alors, on te retrouvait il y a quelques jours pour un dîner-conférence sur le thème « Comment renouer une communication non-violente, une vraie écoute faite de compassion mutuelle, un dialogue apaisé, fondement d'une relation constructive et féconde ». Est-ce qu'il y aura d'autres conférences à venir ? Il n'y a rien de programmé là, donc je n'ai pas de date à annoncer, mais il y en aura d'autres, bien évidemment. Super. Alors, on peut te retrouver aussi, si on veut te contacter, sur un site internet, Unisson, c'est ça ? Alors, c'est www.unisson, UNISON, -6, médiation.fr. Nous ne manquerons pas de vous mettre le lien de ce site internet avec le podcast de cette émission. Et si on veut te contacter directement, ça se fait sur contact@unisson-mediation.fr. Et nous mettrons ce lien, bien entendu, avec. Merci beaucoup, Jérôme, d'avoir participé aujourd'hui à cette émission. Merci à toi, Lia, de ton invitation. Si je puis me permettre, oui, une dernière citation, bien sûr, de Martin Luther King, qui avait été menacé plusieurs tentatives, et quelques jours avant son assassinat, il nous a quand même indiqué, on est vraiment dans le thème, dans ce sujet, nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Très belle citation. Qu'est-ce que je te souhaite pour la suite ? D'être encore plus, de servir la paix. Ah oui, je me le souhaite. C'est super, ça servira la paix. Mais ma toute petite contribution de tout petit bonhomme. Hein. Cette émission sera rediffusée lundi à midi, car quand on aime, bien sûr, on ne compte pas. Et podcastée très prochainement sur nos réseaux sociaux et notre site internet. Auditeur, je te laisse avec la suite des programmes sur Radio Guémozo. Et en attendant, bah, c'est comme à chaque fois, hein. Prends bien soin de toi et prends bien soin des autres. Et ce ne sera pas mon générique de fin, mais mon son chouchou de Ichon avec La beauté des mots pour terminer cette émission. Au revoir. Au revoir, merci à tous. J'ai tout fait pour me changer, mais on ne détourne pas le vent. Oh mon amour, mon amour, mon amour, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'allais cacher ma vie à force de pleurer pour eux. Au clair de la lune, à court d'amour, je cours. J'irai jusqu'où je pourrai. Je pourrais. Hello. Je porte le poids de mes défauts. J'ai mis de côté mon ego. J'ai fait des poèmes de mes névroses. J'y vois la beauté des mots. Oh mon amour, mon amour, mon amour. C'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'allais cacher ma vie à force de pleurer pour au clair de la lune, à court d'amour. Je cours, j'irai jusqu'où je pourrai.